Dors, ma princesse, la nuit t'amène ses caresses. Dors, dors, mon arc-en-ciel, toutes les couleurs t'appartiennent. Je suis tout près de toi. Lune et soleil à la fois. Je suis tout près de toi. Et je t'aime aussi gros que ça. Dors, ma princesse, que les étoiles t'amènent leur tendresse. Dors, dors, mon ange, retrouve le pays. Lune et soleil à la fois. Je suis tout près de toi. Et je t'aime aussi gros que ça.